Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À l'été 1894, les Parisiens se régalent des séances du kinétographe que leur présente Thomas Edison, le génial inventeur américain. La même année, 1894, un capitaine est accusé de haute trahison, il est même condamné, il s'appelle Alfred Dreyfus. L'année suivante, en 1895, les frères Lumière présentent La sortie de l'usine Lumière à Lyon, souvent présenté comme étant le premier film de notre histoire. La même année, 1895, le capitaine Dreyfus est dégradé dans la cour de l'école militaire. Quatre ans plus tard, en 1899, Alfred Dreyfus bénéficie d'un nouveau procès, mais il est une nouvelle fois condamné avec circonstances atténuantes. Et cette année-là, 1899 donc, Georges Méliès, réalisateur de génie, propose un film sur l'affaire Dreyfus en pleine polémique. 120 ans plus tard, en 2019, un nouveau réalisateur, Roman Polanski, porte son regard sur l'affaire Dreyfus. Pour d'autres polémiques, le cinéma et l'affaire Dreyfus, une longue histoire, mais qu'en pensent les historiens et les historiennes ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons cinéma, parce que le cinéma est un objet historique avec une histoire, mais le cinéma est également un vecteur d'histoire et de mémoire des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis vous pouvez nous rejoindre pour discuter de nos émissions sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Aujourd'hui, J'accuse de Roman Polanski avec le regard d'historien et d'historienne. Alors vous êtes là parmi nous à quatre. Marie Aigné, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les amis inconnus, se mobiliser pour Dreyfus, 1897-1899 chez Privat ». Vous, votre regard, il se porte sur le soutien autour de Dreyfus, comment c'est construit autour d'un personnage accusé et vraiment seul, et ça c'est quelque chose qui est constant quand on regarde l'affaire Dreyfus, comment c'est construit les soutiens autour du capitaine Dreyfus ? Oui, en fait, moi, je me suis intéressée non pas aux intellectuels, même s'ils jouent un grand rôle dans mon travail, mais à ceux que j'ai appelés les inconnus parce qu'ils s'appelaient, enfin, ils se désignaient eux-mêmes comme ça, comme les amis inconnus. Donc, des gens cultivés de manière générale, mais on pourrait dire ordinaires sans que ce soit péjoratif, qui ont cru en l'innocence du capitaine Dreyfus et qui ont jugé bon de le faire savoir. Voilà, Marie Aigné, c'est intéressant de se dire qu'au-delà de Zola ou de Clémenceau, il y a d'autres gens qui ont soutenu le capitaine Dreyfus. Avec nous ce matin également, Marie-Neige Koch, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire-géographie à Versailles. Vous avez coédité avec Vincent Duclair. Pardon ? Auvésinet. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, mais il faut le préciser. Vous avez raison. Vous avez édité avec Vincent Duclair les correspondances d'Alfred Dreyfus avec son épouse Lucie. Écrire, c'est résister. Donc, ces correspondances couvrent la période 1894-1899. C'est chez Folio Histoire. Elles n'avaient jamais été éditées, ces correspondances telles qu'elles sont là. Si, cette correspondance a été éditée une première fois en 2005. Et c'était un livre énorme. C'était une correspondance quasiment exhaustive. Là, on a fait un travail avec Vincent Duclair, qui m'a fait l'honneur de m'emmener avec lui sur ce projet. Donc, on a fait un travail de sélection des lettres sur différentes bases que j'expliquerai avec des comédiens. Et donc, moi, ce qui m'intéresse avant tout et ce que je fais avec les élèves, c'est vraiment travailler sur cette correspondance entre Alfred et Lucie qui nous permet véritablement de rentrer dans leur intimité, de comprendre comment ils fonctionnent et de voir à quel point ils ont résisté d'une manière absolument admirable. Oui, parce que la violence était telle pour un couple qui a su ne pas se désunir, en tout cas un soutien constant de Lucie pour son mari Alfred. Absolument, ouais. Oui. Elle a joué un rôle de premier plan que malheureusement on ne voit pas tellement. Oui, qu'on oublie parfois. Avec nous aujourd'hui, Pauline Perretz, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 8. Vous êtes auteur avec Pierre Gervais du dossier secret de l'affaire Dreyfus chez Alma. Et bien justement, Pierre Gervais est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Donc professeur de civilisation américaine à Sorbonne Nouvelle Paris 3. Expliquez-nous l'un et l'autre, c'était quoi ce dossier secret de l'affaire Dreyfus? C'est le titre de votre ouvrage, Pauline Perret. Le dossier secret de l'affaire Dreyfus, c'est le dossier secret qui a été constitué par la section de statistiques qui est au cœur du film de Polanski. Et ça, en tant que chercheuse, c'est un vrai délice de la trouver en vie, cette section. Donc le dossier secret a été constitué à charge contre Dreyfus et il a été décidé à la toute fin du procès de produire ce dossier à l'insu de la défense pour s'assurer de la condamnation de Dreyfus. Et c'est quelque chose que l'on voit très bien montré dans le film. Hein. On voit donc le colonel Picard qui remet très discrètement au conseil de guerre le dossier secret au moment du délibéré. On sent que ce dossier secret, on le sait bien, est au cœur de l'affaire Dreyfus. Nous allons en parler et à la fin de l'émission, nous allons retrouver Anaïs qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, petit tour sinistre devant le conseil de guerre le 22 décembre 1894 quand le capitaine Dreyfus est condamné. Présenté ! Aujourd'hui, 22 décembre 1894, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris. Le président a posé la question suivante. L'accusé Dreyfus Alfred, capitaine breveté du 14e régiment d'artillerie, est-il coupable d'avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère et lui avoir livré des documents intéressant la défense nationale? Le conseil de guerre, à l'unanimité des voix, déclare l'accusé coupable. Le 22 décembre 1894, le conseil de guerre condamne Alfred Dreyfus. C'est un feuilleton qui est passé sur France Musique 100 ans après les faits, en 1994, pour parler du film de Roman Polanski, J'accuse. Et pour parler de l'affaire Dreyfus, il est tout de même nécessaire de passer un petit moment à rappeler ce qu'a pu être cette affaire. Nous sommes en 1894, un bordereau, une preuve de trahison d'un militaire français est trouvé à l'ambassade d'Allemagne. Commence alors ce qu'on n'appelle pas encore l'affaire Dreyfus. Marie Aignée, si on vous demande, on arrive vers vous comme ça, on dit « dis-moi, raconte-moi, quelle est l'affaire Dreyfus ?» C'est extrêmement dur. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus? C'est difficile de le résumer très vite, mais l'affaire Dreyfus, c'est une histoire, une affaire militaire qui devient vraiment une affaire avec un grand A. Et il faut un certain temps peut-être pour que l'affaire militaire devienne cette affaire-là. C'est-à-dire que vous avez parlé, enfin, on a entendu l'extrait donc du conseil militaire de 1894. Dreyfus est condamné, il est exilé à l'île du Diable. En 1895, il est dégradé publiquement à l'école militaire et déjà, néanmoins, c'est une affaire publique parce que cette dégradation, et on le voit très bien dans le film de Polanski. Et là, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était saisissant la façon dont on revoyait des images quand on a fait des recherches sur l'affaire Dreyfus, des cartes postales qu'on connaît et qu'on revoit en grand sur l'écran de manière saisissante. Déjà, au moment de cette dégradation, on le voit, il y a du public qui crie. On a des témoignages très nombreux concernant l'attitude de Dreyfus, le bruit de la foule à ce moment-là. Bon, il est exilé à l'île du Diable et l'affaire reprend, pour aller vite, je dirais, en 1896, de deux côtés. D'une part, du côté de la famille et de Bernard Lazare, qui n'ont cessé de croire en l'innocence du capitaine, mais qui commencent à avoir des éléments pour faire rejuger l'affaire, ou qui espèrent faire rejuger l'affaire. Et d'autre part, dans le secret du service des statistiques, quand Picard lui-même découvre un petit bleu qui lui laisse penser que Dreyfus n'est pas le coupable de la trahison dont on l'accuse. Et voilà, Picard qui est chef du service d'espionnage, donc ce service des statistiques, c'est un joli mot statistique pour cacher le mot d'espionnage, et c'est vrai que ce Picard se rend compte par les documents qu'il trouve que Dreyfus doit être innocent, et donc on vous entend bien, Marie Aignée, il y a deux mouvements, un, on va dire civil autour de la famille de Dreyfus qui demande à ce que l'affaire soit rejugée, et de l'autre, en interne, chez certains militaires, très peu nombreux, et notamment le colonel Picard, qui se rendent compte qu'il y a supercherie. Et donc l'affaire rebondit ainsi. Oui, l'affaire rebondit, même si ces deux mouvements ne se rejoignent que plus tard, finalement, peut-être à l'été 1897, quand Picard fait part de ses doutes à son ami et avocat Louis Le Blois, et puis plus largement encore en 1898. Et l'affaire devient vraiment une affaire publique à l'automne 1897, quand la presse, avec les premiers articles de Zola, avant même J'accuse, commence à démonter en fait le système qui a pu faire accuser Zola. Alors justement, si on reprend ce film de Roman Polanski, nous sommes à quel moment? Donc c'est vraiment l'enquête de Picard, Roman Polanski, parce que des auditeurs n'ont sans doute pas vu le film, il faut rappeler un petit peu comment Roman Polanski appréhende cette affaire Dreyfus. Donc c'est le regard de Picard, de ce colonel, donc nous sommes avec un militaire à l'intérieur de l'armée. Qui veut répondre, Pauline Perrette? Oui, moi je veux bien. C'est intéressant cette prise de parti qui a été d'abord celle du romancier et scénariste Harris, donc de raconter l'histoire à partir du colonel Picard qui joue normalement un second rôle et auquel on va confier le premier rôle de ce film. Alors cela s'explique probablement par le fait que Dreyfus, il est en fait absent de son affaire pendant très longtemps puisqu'il est comme Marie vient de le répéter, à l'île au diable. Et donc, on lui confie là un premier rôle et on va le suivre quasiment pendant tout le film. Et donc, c'est à la fois la construction de la culpabilité de Dreyfus et là, Picard joue un rôle majeur. Et on le voit bien. C'est lui qui est censé raconter comment se passe le procès au ministre en fin de journée. C'est lui, je l'ai dit tout à l'heure, qui va donner en main propre le dossier secret. C'est lui aussi qu'on entend dès le début dans la scène inaugurale émettre un commentaire très antisémite au moment de la dégradation de Dreyfus et qui campe le personnage. Et puis c'est quelqu'un, un militaire, qui va se retrouver à prendre la tête de cette fameuse section de statistiques et qui va découvrir d'abord la culpabilité du vrai coupable et puis ensuite qui va essayer de faire justice, non pas tant finalement par loyauté à l'égard de Dreyfus que par volonté de justice au sein de l'armée. Donc un personnage évidemment fascinant, Picard, qui est antisémite et qui contribue à la condamnation de Dreyfus donc au début de l'affaire, année 1894, et qui se transforme face aux preuves qu'il trouve lui-même. Il est obligé de changer d'état d'esprit et qui va devenir un des plus fervents soutiens de Dreyfus. Dans le film de Roman Polanski, il y a ce choix de porter le regard sur ce colonel Picard et de mettre de côté, vous l'avez dit Pauline Perretz, le personnage de Dreyfus, Alfred Dreyfus, est mis de côté. Marine Eschkoch, vous avez étudié la correspondance entre Alfred Dreyfus et son épouse Lucie. Dites-nous, est-ce que le personnage d'Alfred Dreyfus est à l'écart? Ne serait-ce que de fait, il est sur une île, l'île au diable, par loin de la Guyane, c'est une horreur, il est au bagne. Oui, effectivement, il est relégué très très loin et dans le film d'ailleurs, Polanski à un moment donné, il fait une espèce de contre-focus là et on voit bien l'île très très loin qui s'éloigne de plus en plus. Évidemment, Alfred est loin, mais Lucie est à Paris et comme l'a dit Marie Aignier, Lucie Dreyfus et Mathieu Dreyfus commencent tout de suite, dès les premiers instants, à remuer ciel et terre pour réunir les preuves avec Bernard Lazare, comme ça a été dit. Donc déjà, il y a ces personnages, ce personnage de Lucie et de Mathieu qui sont très importants et qu'on ne voit pas du tout dans le film. Et d'autre part, Dreyfus, je trouve que, évidemment, le personnage d'Alfred est très intéressant. Et même s'il est très loin, il fait quelque chose. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait que Dreyfus reste en vie, alors qu'il résiste à des conditions qui sont franchement, qui sont atroces, qui sont inhumaines, qui sont barbares, en soi, c'est une œuvre de résistance et ça pourrait donner matière à un regard. Et de fait, il y a des comédiens qui ont su effectivement montrer ce que c'est qu'être un homme seul à qui personne ne peut parler, n'adresser la parole, etc., etc. Enfin, toute une série de circonstances avec ce temps qui est si long, ça dure presque 5 ans. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit la double boucle, qui est toujours rappelée comme donc le système par lequel Dreyfus est attaché à son lit, il peut plus bouger. Donc ça, c'est un petit peu l'image qu'on donne toujours pour comme si ça résumait finalement les tortures. En fait, il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à dire, je pense. Et donc montrer l'héroïsme en soi d'Alfred et de Lucie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alfred Dreyfus est un personnage très fascinant, peut-être plus plus à certains égards que Picard, hein, qui finalement n'intervient vraiment que parce qu'il se rend compte que de toute façon l'affaire va éclater et que lui il veut sauver l'armée. Hein. Et sauver sa peau aussi, on pourrait dire. Sauver sa peau, non, justement, au moment où il s'engage, il sait que là c'est fini, que ses chefs, effectivement, de toute façon, ne vont plus lui permettre, en quelque sorte, de rester dans l'armée et de survivre. Donc au moment où il s'engage, c'est vraiment quand il n'y a plus de possibilités pour lui, et donc il n'a d'une certaine façon pas le choix. Moi, personnellement, je trouve que Lucy et Alfred Dreyfus sont vraiment des personnages fascinants. Picard est certainement un héros à un certain moment, il y a un engagement, mais un peu tardif quand même, hein. Il y a beaucoup de temps avant qu'il se mette dans l'affaire. Pierre Gervais, sur cette idée d'un colonel Picard, donc militaire chargé du renseignement, qui se rend compte qu'il y a une fausse accusation contre le capitaine Dreyfus et qui décide de changer de camp pour simplifier, vous êtes d'accord sur cet engagement tardif du colonel Picard ? Alors, pas vraiment. C'est compliqué de comprendre ou d'analyser la réception d'un film compte tenu du fait que, quand même, il y a toute une série de controverses autour, compte tenu du fait que Roman Polanski est maintenant dénoncé comme prédateur sexuel. Donc, je vais m'en tenir un petit peu, quand même, à l'histoire du film, qui me paraît la raison pour laquelle nous sommes ici. Et l'histoire du film renvoie, en fait, à un autre grand récit. Il y a plusieurs grands récits sur l'affaire Dreyfus. Le premier, chronologiquement, était celui de l'héroïsme d'Alfred Dreyfus, hein, c'est ce qu'a rappelé effectivement Marie-Neige. Et Marie-Neige a raison de dire que Dreyfus est un héros de l'affaire Dreyfus, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, il y a eu un grand récit qui s'est développé et qui est plus celui dont Marie parlait, qui était le récit politique autour d'Émile Zola en particulier et de l'engagement politique des années 97-98 qui a créé une véritable guerre civile en France et qui a amené finalement la révision du procès. Mais Picard parle d'un troisième... Polanski parle d'un troisième grand récit. Avec Picard, nous avons un troisième grand récit qui est plus modeste, qui existait à l'époque, mais qui a disparu un petit peu depuis, qui est celui de l'objection de conscience à l'intérieur de l'armée des très rares individus qui ont refusé d'obéir. Et là, je pense qu'il faut se garder d'une mauvaise lecture de l'engagement de Picard. Picard n'était pas un Dreyfusard. Picard n'est devenu un Dreyfusard qu'après avoir été chassé de l'armée, parce qu'il estimait être tenu au secret professionnel jusqu'à ce qu'il soit chassé de l'armée. En revanche, Picard, constamment à partir de septembre 1896, a refusé d'obéir sur un point qui était affirmer la culpabilité de Dreyfus. Ses chefs lui en ont donné l'ordre et il a constamment refusé. Et c'est là qu'il est véritablement intervenu dans l'affaire. Quel regard portent les historiens et les historiennes sur l'affaire Dreyfus ? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire qui étudie ces différents regards qui peuvent être portés sur l'affaire Dreyfus, sachant que nous sommes aujourd'hui en 2019 et il y a un regard particulier sur cette affaire Dreyfus. Ce qui est nécessaire de rappeler, c'est qu'à différents moments de l'affaire Dreyfus, il y a une approche particulière. Et notamment, pendant longtemps, l'affaire Dreyfus, ces 13 années 1980-90, était la naissance des intellectuels. C'était ce qui intéressait beaucoup avec la prise de position en janvier 1898 d'Émile Zola, quand il publie dans l'Aurore « J'accuse ». J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gons de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable. Émile Zola qui s'adresse au président de la République Félix Faure le 8 janvier 1898 dans l'Aurore. Émile Zola qui accuse, qui est lu par Yves Nérol. Dites-nous, Pauline Peretz, Émile Zola qui accuse est un moment fort et c'est vrai que pendant longtemps cette affaire Dreyfus nous intéresse et intéressait les historiens parce que c'est un moment où naissent les intellectuels, où il y a d'un seul coup une prise de position des différents penseurs. Nous sentons qu'aujourd'hui il y a un autre regard possible sans oublier celui-là. Hein. Quelle lecture vous faites par exemple quand on entend Émile Zola dire j'accuse, c'est une rupture dans cette histoire de l'affaire Dreyfus, et on le sent bien dans le film de Polanski aussi. Oui, on sent bien que c'est une rupture, mais elle est en quelque sorte réinterprétée de manière assez libre, parce qu'il y a cette scène dont j'aimerais vraiment parler, parce que s'il y a une vraie liberté que Harris et Polanski ont prise dans ce film, qui reste très fidèle historiquement, c'est précisément la scène où il est décidé collectivement et à l'initiative de Picard, et ça c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu historiquement, de que quelqu'un prenne en charge le récit de l'histoire. On voit, on suit le rendez-vous, hein. Picard va retrouver aussi discrètement que possible ceux qui sont en train de devenir les principaux acteurs du camp de Dreyfusard, Clémenceau, Zola, Rank, etc. Et il y va pour raconter ce qu'il a vu en termes de fabrication de faux, de dérive de l'État, etc. Et il dit très explicitement, quelqu'un doit exposer toute l'histoire. Et puis là, la caméra se braque sur Zola et voilà, le lendemain, enfin coupe, et le lendemain, donc la lettre J'accuse fait la une de l'Aurore. Donc là, il y a une vraie liberté qui est prise, et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de voir comment cette lettre fait effet sur les principaux accusés de la lettre. Là, il y a vraiment un montage de plans qui est absolument fabuleux. On voit Billot, donc le ministre de l'armée, lire dans sa baignoire, enfin une scène incroyable, J'accuse. Ensuite, on voit Bois d'Effre, on voit Henri, on les voit successivement. On voit aussi Bertillon, qui est incroyablement représenté dans ce film. Par Amalric. Par Amalric, qui est formidable. Et donc, on voit l'effet que ça fait, mais on ne voit plus Zola. Enfin, Zola disparaît de ce film. Alors moi, j'ai trouvé, pour avoir travaillé sur la fabrication de l'accusation, que c'était vraiment intéressant d'adopter ce point de vue de l'armée, ce troisième récit qui a été si peu entendu. Mais à certains moments, et en particulier celui-là, lorsqu'on parle de la façon dont J'accuse a été imaginé, eh bien là je pense que Polanski est allé trop loin. Il a été trop loin. Après, on va dire que c'est un réalisateur qui s'appuie sur un scénariste qui n'est même pas un écrivain, qui n'est même pas un historien, Harris. Oui, mais il a fait du bon travail. Mais quand il a même, voilà, hein. il a fait du bon travail. Il a consulté. Et il y a toujours ces raccourcis, et parmi tous ces raccourcis que l'on peut voir dans le film de Polanski, mais c'est un choix de narration, il y a une focalisation sur le colonel Picard, en oubliant, c'est vrai, presque l'ensemble des mouvements qu'il y a autour de cette affaire Dreyfus. Les seuls moments où on les voit, c'est quand il y a les soutiens, Clémenceau, Zola et les autres. Vous, Marie-Agnée, vous avez étudié les amis. Alors en plus, vous étudiez, vous, les amis que l'on voit moins, non pas les intellectuels qui sont toujours mis en avant, mais les autres. Dans la lecture que vous pouvez faire de ce film, j'imagine que vous regrettez que soit mis de côté tout ce mouvement autour de Dreyfus. Alors en effet, c'est vrai que c'est cette scène qui est peut-être la plus problématique, celle où on voit que Picard, d'une certaine façon, suggère à Zola d'écrire ce texte, d'autant que Zola, je l'ai dit tout à l'heure, mais a écrit un certain nombre de textes avant d'écrire J'accuse, des textes qui sont parus dans le Figaro ou des textes qui sont parus en brochure, une lettre à la jeunesse, une lettre à la France, une défense de Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat, dans le Figaro. Donc il s'est déjà engagé, il a déjà essayé de... Donc dans un texte beaucoup moins polémique, et c'est peut-être la forme qui change avec le J'accuse, mais Zola a déjà écrit avant sur l'affaire Dreyfus. Donc c'est vrai que c'est ce raccourci qui est un petit peu saisissant et qui est pour moi d'autant plus saisissant effectivement que les inconnus que j'ai étudiés, pour beaucoup, écrivent à Émile Zola. Alors il y en a beaucoup qui écrivent aussi à Lucie Dreyfus, donc je regrette moi aussi la disparition de Lucie Dreyfus qu'on voit fugacement dans le procès de Rennes à la fin. Sans savoir que c'est elle. Sans savoir que c'est elle. Pour ceux qui savent, on sait que c'est elle. Mais il faut le savoir. Et donc qui a été une figure très importante de la mobilisation dreyfusarde, puisque beaucoup de gens, et notamment beaucoup de femmes, ont écrit à Lucie Dreyfus ou à Émile Zola pour dire leur soutien dans l'affaire. Donc effectivement, il y a beaucoup de disparitions, des Bernard Lazare. Même Mathieu Dreyfus. Mathieu Dreyfus, il apparaît vaguement dans cette réunion chez Charpentier où on rencontre aussi Zola. Et puis après, la foule, parce qu'on voit un tout petit peu la foule parisienne, mais on voit seulement la foule au moment du procès de Zola et sa violence devant le palais de justice. Mais il y a quand même... Mais ça, c'est difficile de les voir, une foule de Dreyfusards. Oui, il y en a, et c'est vrai, vous l'avez évoqué, Marie-Aignée, il y a cette figure extrêmement importante et touchante de Lucie Dreyfus. Nous allons écouter la lecture d'une lettre de Lucie Dreyfus à son mari Alfred, le 24 mars 1898. Elle nous est lue par Camille André. 24 mars 1898. Mon cher Alfred, j'ai reçu ces jours-ci ta lettre datée du 26 janvier. Elle m'a beaucoup impressionnée. Elle m'a donné à craindre qu'à toutes tes souffrances se soit ajouté le désespoir de penser que nos efforts avaient été maladroits. C'est pourquoi je vais te faire un récit aussi exact que possible des événements récents. Premièrement, que le jugement de 1894 avait été irrégulier dans la forme parce que des pièces avaient été communiquées au juge dans la chambre du conseil, après la clôture des débats, à l'insu de l'accusé et de son défenseur. Deuxièmement, que tu étais complètement innocent. On avait su, à l'état-major général, que le fameux bordereau attribué au capitaine Dreyfus devait être attribué à un officier en non-activité, le commandant Esterhazy. Cette découverte avait été faite par le lieutenant-colonel Picard, chef du bureau de renseignement. Lucie Dreyfus qui écrit à son mari Alfred le 24 mars 1898 une lettre lue par Camille André. Camille André qui prépare cette émission Le cours de l'histoire sur France Culture avec Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès et Alice Rouet. Dites-nous, à la lecture de cette lettre, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Nous avons ici une épouse qui parle à son mari, qu'elle sait innocent, qui subit des souffrances, elle le sait parce qu'elle a le retour des lettres de son mari, Marie-Neige Koch. Quand on étudie un personnage, et notamment une correspondance intime, c'est vrai qu'il y a tout de suite quelque chose qui se crée entre l'historienne et son personnage. Forme d'intimité. Mais avant peut-être de rentrer sur cet aspect-là, je voudrais tout de suite dire que cette lettre, précisément, hein, c'est une lettre qu'Alfred n'a pas reçue. C'est une lettre qui a été arrêtée par ordre, elle n'a pas été remise. Et pourquoi cette lettre n'a pas été reçue par Alfred? Tout simplement parce que c'est une lettre dans laquelle Lucie donne des détails sur les avancées de l'affaire. Et ça, c'était interdit. En fait, Alfred, sur son île du diable, il ne sait pas ce qui est en train de se passer à Paris. Donc là, effectivement, on entend les mots « j'étais très impressionnée », etc., donc l'aspect, affectueux. Mais sur le fond, hein, quand elle raconte les éléments, il faut bien comprendre qu'Alfred, lui, ne sait rien. Hein, et donc cette lettre n'a pas été lue. Et le rôle de Lucie Dreyfus auprès de son mari, avec cette distance gigantesque d'un océan qui les sépare, est malgré tout essentiel, parce que même si les lettres sont filtrées, quelques lettres arrivent. Et quelques fois recopiées. Et ces lettres-là le rattachent à la vie aussi. Absolument, oui, ces lettres le rattachent à la vie. Donc les lettres qui arrivent, avec une certaine irrégularité, évidemment elles sont très importantes, parce qu'elles tissent effectivement ce lien, elles le rattachent à la vie, mais ce sont les lettres en question, ce sont des lettres qui vont parler finalement de la famille, des enfants, de la vie quotidienne, de l'amour, beaucoup, hein, bien sûr. Donc un soutien vraiment de cette nature-là, hein, d'un couple, hein, qui s'aime manifestement. Mais en revanche, il est vraiment interdit finalement de donner des informations précise. Et ça, bien sûr, c'est très difficile à la fois pour Lucie et pour Alfred, puisque si Alfred avait eu des informations précises, ça aurait aidé aussi à son soutien. Il a quand même des moments de désespoir très profonds, ce qui est assez logique. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, sur cette lettre. Et elle est importante, cette Lucie Dreyfus, ce personnage de Lucie Dreyfus, parce qu'elle participe à ces différents regards que l'on peut porter sur l'affaire. Et nous sentons bien qu'il n'y a pas qu'une manière de voir l'affaire Dreyfus. Il y a celle des contemporains Dreyfusard ou anti-Dreyfusard, celle du colonel Picard, c'est le choix de Roman Polanski dans son film. Lucie Dreyfus aurait pu être un personnage, Mathieu Dreyfus aurait pu être un personnage. Il y a plein de regards sur l'affaire Dreyfus. Il y a par exemple celui de Catherine Sauvage quand elle chante Dreyfus. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un officier d'état-major est accusé à tort d'être un espion de l'Allemagne. On le condamne au bagne. De Vaugirard ou de Passy, en chœur on applaudit la dégradation militaire à l'école militaire. C'est un juif. On lui arrache ses galons, son sabre, ses boutons, Il répète son innocence. Il crie vive la France. Mais c'est un juif. Mais c'est un juif. Le seul juif de l'état-major. Que vous faut-il encore? Ah oui, c'est bien lui le coupable. Ah, qu'il s'en aille au diable. Catherine Sauvage qui chante l'affaire Dreyfus. Dreyfus dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père Legras avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. L'affaire Dreyfus, nous l'entendons avec Catherine Sauvage, nous pouvons l'entendre de mille manières. Il y a un contexte qui est essentiel pour comprendre tout cela et nous l'avons pas évoqué encore. Pierre Gervais, l'antisémitisme diffus dans la société française, revendiqué absolument par les uns, et puis qui imbibe beaucoup de monde, notamment le colonel Picard. Cela est essentiel pour comprendre cette affaire Dreyfus. Dans le film de Roman Polanski, évidemment, c'est souligné. Oui, et c'est à très juste titre souligné. C'est une des choses qui font de l'état-major un lieu très spécial, et d'une façon générale, des cadres militaires de l'armée française, un lieu un peu spécial. Nous ne sommes pas sortis de l'Ancien Régime. Donc nous avons encore une dimension très religieuse, très catholique, très violemment catholique, et qui est aussi liée à un certain rejet de la République chez beaucoup d'officiers, et également à une vieille tradition d'anti-judaïsme catholique qui est en train justement de se transmuter dans l'antisémitisme moderne. Et à certains égards, l'affaire Dreyfus représente un des moments fondateurs de l'antisémitisme du XXe siècle, qui cesse d'être simplement religieux pour devenir raciste. En réalité. Et là, on est à cette jonction dans laquelle on passe finalement d'un Barès qui est encore sur des bases très compliquées d'origine géographique, à un Maurras qui est sur des bases franchement racistes. C'est très sensible dans l'état-major, ça explique beaucoup, en particulier dans la section de statistiques qui est absolument peuplée d'antisémites frénétiques, la construction à la fois du dossier secret, de l'opposition à Dreyfus. Dreyfus est aussi traître parce qu'il est juif. Le colonel Picard, quand il arrive à la tête de ce service de renseignement, ce service des statistiques, trouve comme adjoint le commandant Henri, personnage essentiel de cette affaire. Et nous allons écouter un extrait du film de Roman Polanski, où justement le colonel Picard, qui se rend compte qu'il y a eu sans doute des faux fabriqués pour accuser Dreyfus, en demande l'explication au commandant Henri. Puis-je vous demander, mon colonel, si vous en avez parlé au général Gonz? Je lui ai dit que je croyais à l'innocence de Dreyfus. Et quelle a été sa réaction? Il m'a dit de laisser tomber. Alors bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Sinon, nous ne sommes rien. Je ne sais pas si Dreyfus est innocent et franchement, je m'en fous. Vous m'ordonnez d'abattre un homme et je le fais. Après ça, vous m'expliquez que vous vous êtes trompé de nom. Eh bien, je suis désolé, mais c'était pas de ma faute. C'est l'armée. C'est peut-être votre armée, commandant. Ce n'est pas la mienne. C'est peut-être votre armée, commandant, ce n'est pas la mienne, dit le colonel Picard à son adjoint, le commandant Henri. Et nous sommes au cœur de ce film, comment à l'intérieur du service des statistiques, enfin des services secrets, ont été fabriqués les faux pour accuser le capitaine Dreyfus. Alors, Pauline Peretz, Pierre Gervais, vous avez publié le dossier secret de l'affaire Dreyfus aux éditions Alma, où il y a des reproductions couleur en plus de ces faux. Non, mais c'est important. Notre éditeur n'a pas lésiné, il a compris la nécessité de cette révélation. Alors, vous êtes rendu au service historique de la Défense à Vincennes et vous avez pu consulter ces dossiers. Ils ressemblent à quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, est-ce qu'on a facilement ce dossier entre les mains? On a ce dossier entre les mains, on peut l'avoir quand on est historien, quand on explique ce qu'on va faire. On a d'abord essayé de nous donner quand même le microfilm qui n'a pas cet intérêt historique. Oui, noir et blanc, oui. Noir et blanc, et qui surtout ne permet pas de comprendre la matérialité, la différence entre les couleurs, des annotations, etc. sur laquelle nous avons beaucoup travaillé parce qu'il nous a semblé que la matérialité du dossier était un élément qui permettait de proposer une reconstruction de ce dossier secret. Donc, les pièces que vous voyez dans l'enveloppe avec la fameuse lettre D que remet Picard au juge du conseil de guerre, on ne la trouve plus telle qu'elle. Hein, il y avait, on ne sait pas très bien combien de pièces, mais pas tellement de pièces, peut-être 6, peut-être 8, dans cette enveloppe. Aujourd'hui, il y a plus de 500 pièces, c'est-à-dire des milliers de documents au sein duquel il faut retrouver les pièces initiales du dossier secret. Alors, à partir de reconstitutions qui sont données comme consacrées par la bibliographie, par différents acteurs, etc. Et puis nous avons travaillé sur l'hypothèse plume rouge que l'on retrouve annotant les principaux documents du dossier secret parmi tous ceux qu'il est possible de retrouver aujourd'hui. Alors, en tant que historien, je parle pour Pierre et moi, je pense, hein, qui avons travaillé sur ces documents. Enfin, c'est vraiment une joie énorme de voir qu'est enfin mis à jour ce dossier secret sur le bureau de Picard dans le film. Dossier secret qui a été reproduit pendant un moment sur le site du service historique de la défense et qui a disparu. Comme si ce dossier secret faisait encore tabou, comme s'il gênait. Alors c'est vrai que dans ce dossier secret, il n'y a rien à charge contre Dreyfus. Il y a vaguement ce canaille de dés, mais qui tombe, donc l'initiale pouvant faire penser que la personne, le coupable serait Dreyfus, mais il y a aussi, enfin, des correspondances intimes entre les attachés militaires italiens et allemands, très intimes, qui ont pu sembler gênantes par leur caractère cru, mais aussi parce que elles n'ont rien à voir avec l'affaire, hormis le fait qu'elles montrent que ces deux attachés militaires collaboraient et avaient des espions du côté français. Donc un vrai bonheur de voir des facsimilés d'une qualité exceptionnelle à l'écran et de montrer la place qu'a joué le dossier secret dans cette affaire. Ce dossier secret est essentiel, Pierre Gervais. Donc ce dossier secret, en tant qu'historien, quand on l'a entre les mains, c'est émouvant, mais on se pose la question, nous sommes au service historique de la défense, c'est vrai que c'est un service extrêmement sérieux, mais que depuis ces décennies, il y a 120 ans que cette affaire pose question, on se dit, mais peut-être que dans les années 1910, 1920, des choses ont été écartées. Alors, rien n'a été détruit parce que le dossier secret a terminé au bout du compte, il y a plusieurs dossiers secrets en cours de cassation et donc a été verrouillé juridiquement. À partir du moment où la Cour de cassation l'avait inventorié, vous aviez des traces au ministère de la Justice, donc les ministères de la Défense ne pouvaient plus le modifier. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, à partir de 8 pièces, on est arrivé à plusieurs centaines de pièces et que encore maintenant, on ne sait pas vraiment quelle est la liste exacte des pièces d'origine de 1894. Les pièces de 1899, en revanche, encore une fois, ont été inventoriées, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est intéressant avec le dossier secret, c'est vrai que c'est très agréable de voir à l'écran des facsimilés absolument parfaits. J'ai eu le dossier entre les mains, hein. J'ai vu tout de suite la lettre « Ce canaille de dés » sortir de l'enveloppe et je l'ai reconnu à distance parce que c'est effectivement ça, ces petits morceaux de papier scotchés qui étaient volés à l'ambassade d'Allemagne. Hein. Les services secrets français s'asseyaient avec allégresse sur toutes les convenances diplomatiques et pillaient les ambassades. Ou après, ils prenaient les papiers déchirés dans la poubelle. Oui, les correspondances, mais enfin, on est quand même sûr de l'extraterritorialité. Et ça ne s'est pas passé qu'à l'ambassade d'Allemagne, contrairement à ce qu'on dit parfois. Hein. Ils pillaient l'ambassade d'Espagne, l'ambassade d'Italie, on a des documents de l'ambassade d'Autriche dans le dossier. Enfin, véritablement, c'était une opération énorme. Ce service, alors, peut-être que le film ne le dit pas assez, le service des renseignements français était en réalité devenu un monstre bureaucratique qui combinait espionnage, contre-espionnage et police politique, puisque c'est lui qui était responsable du futur carnet B, hein, de la poursuite des opposants. Et cette énorme organisation qui couvrait tout le territoire, qui était appuyé par des services dans tous les corps d'armée, qui s'appuyait sur tous les gardes champêtres, sur tous les commissaires de police, partout, tout le monde était au service du service de statistiques. Et c'est cette organisation qui a été lancée contre Dreyfus, avec au départ la constitution d'un dossier au contenu incertain, dont on se demande encore maintenant s'il n'était pas en partie destiné à faire justement l'amalgame entre Dreyfus juif et les attachés militaires espions, et aussi effectivement amants homosexuels, tout ça dans un bain xénophobe et annonçant d'une certaine façon les discours fascistes du XXe siècle qui mélangeaient aisément l'étranger, le juif, l'homosexuel, l'inverti, comme on l'appelait à l'époque, les déviances de tout type, aux yeux encore une fois de ces officiers très catholiques, très, très opposée aux évolutions modernes. Oui, Hannah Arendt d'ailleurs identifie l'affaire Dreyfus comme un moment qui laisse penser à l'évolution des totalitarismes ou des fascismes du XXe siècle. Tout à fait, tout à fait. Si vous regardez le type de discours qui commence à émettre, la section statistique dans les années 1890, à partir du général Boulanger même de 1886, vous avez des choses qui commencent vraiment beaucoup à ressembler à ce que Maurras et l'Action française développeront ensuite. Alors Pierre Gervais, vous évoquez l'émotion de l'historien de voir sur écran la reconstitution de la période que l'on étudie. Et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que la reconstitution est sublime. Vraiment, que ce soit par les tenues, les postures des uns des autres, par l'image. D'accord ou oui? Ah oui, oui, non, c'est parfait. Ouais, parfait. C'est très beau. Visuellement, c'est parfait. Et puis, on découvre des lieux dans avec un niveau de détail. Enfin, j'ai parlé du bureau de Bertillon. C'est incroyable, cette scène de découverte. D'ailleurs, on y monte à contre-courant des détenus des suspects dont Bertillon a probablement examiné le crâne. Enfin, oui, c'est fabuleux la manière dont on rentre dans ce bureau. Alors, par contre, quand on parle de ce film, nous sommes en 2019 et cet objet qui parle d'histoire est lui-même un objet qui s'inscrit à un moment particulier et Polanski, 2019, J'accuse, évoque des polémiques. Nous allons les introduire en laissant la parole à une humoriste, Blanche Gardin, lors de la cérémonie de remise des Molières en 2017. Quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. Mais il faut, c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Ouais. C'était... D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... C'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire... On verra, hein. L'acidité de Blanche Gardin lors de la remise des Molières en 2017, une acidité qui fait du bien, il faut le dire, quand on étudie aujourd'hui en tant qu'historien, quand on porte un regard sur un film, celui de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus, on est obligé d'être en 2019 et de chercher des clins d'œil que Polanski, qui est accusé, pourrait faire à travers une affaire d'innocents injustement condamné. Qui veut évoquer cette question-là? Enfin, Marie pas forcément Aignier. Cette question-là, mais simplement pour dire que la référence à Dreyfus pour condamner, pour dénoncer une injustice, une erreur judiciaire, une lutte contre un système, que ce soit le système médiatique, le système judiciaire, elle est fréquente. On la trouve avec l'affaire Durand en 1910, le Dreyfus ouvrier, avec l'affaire Malvy, avec l'affaire Caillot, et encore récemment Coupa. Colonna, son avocat a cité Demange à la fin de sa plaidoirie pour défendre le Dreyfus corse. Et puis l'affaire Rodin. Oui, l'affaire Rodin et l'affaire Kerviel aussi. Mélenchon avait signé une tribune en disant la gauche défend Kerviel même si c'est pas son monde, comme la gauche avait défendu Dreyfus même si c'était pas son monde. Donc c'est pas nouveau de prendre comme exemple Dreyfus pour dénoncer une erreur ou ce qui est considéré comme une poursuite excessive, disons. D'une affaire extrêmement complexe qu'est l'affaire Dreyfus, nous synthétisons d'un coup en c'est le symbole de l'erreur judiciaire. Alors qu'en l'occurrence, choisir l'affaire Dreyfus va beaucoup plus loin que cela. Marie-Neige Coche, vous, votre regard, vous avez perçu des polémiques ou des allusions à l'intérieur du film qui pourraient être des justifications de Roman Polanski? Écoutez, non, enfin, j'ai pas tellement envie de rentrer sur ce terrain, en fait. Moi, j'ai plutôt envie de dire que, ce film, finalement, il nous propose un héros. Ce héros, c'est Picard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, du coup, je suis enseignante et mon problème, c'est quand même de transmettre cette affaire Dreyfus. Donc, avec ce héros qui est incarné, qui est Dujardin, qui joue bien, j'ai cette incarnation. Et ça, c'est très positif. Et d'autre part, par rapport à votre question, de dire par rapport aux polémiques et faire un film en 2019, quel est le sens de faire en 2019 une relecture de l'affaire Dreyfus, d'où les femmes sont aussi absentes et maltraitées, parce que quand même, Pauline Monnier, le rôle qui est incarné par Madame Seigné, enfin, je veux dire, c'est un rôle qui est pauvre, il y avait pourtant beaucoup de femmes, donc ça, c'est ça qui me pose problème. Marie-Neige Coche, sans vouloir y répondre, vous y répondez. Oui, bien sûr. Mais voilà. Bon, après, on voit une machination d'État, et ça, c'est très intéressant. C'est, c'est très utile pour transmettre aussi. Hein. Pauline Perret. Oui, moi aussi, j'ai été gênée hein, par le rôle que jouent les femmes ou que ne jouent pas les femmes dans, dans cette histoire, et notamment par la façon dont finalement l'histoire de, enfin la liaison entre Picard et Meunier prend une place qui me semble excessive. Mais j'aimerais revenir sur la question de, enfin de la référence à l'injustice Dreyfus. Je me suis beaucoup posé la question en allant voir le film, mais au moment où j'ai aperçu Polanski comme figurant dans une scène qui va très vite, dans laquelle il se donne à voir non pas comme un juif victime de l'antisémitisme, qui aurait été possible dans une des scènes d'antisémitisme collectif, mais il se donne à voir en costume d'académicien, comme quelqu'un qui est clairement dans le monde des dominants, socialement, intellectuellement, etc. Là, je me suis dit, ben non, il n'a pas essayé de chercher à jouer sur cette ambiguïté-là. Donc je pense que c'est que là, c'est faire un faux procès, ce qui ne veut pas dire du tout que je n'entends pas les accusations. Je dois dire que je ne suis pas en mesure, de, comme beaucoup d'entre nous, de savoir si oui ou non eh bien, ces accusations sont fondées. J'enseigne à l'Université de Saint-Denis, en bas de ma salle de cours, il y a une grande affiche disant Polanski partout, la justice nulle part. Je ne peux pas faire comme si je n'enseignais pas face à cette accusation. Je me suis posé la question de savoir si moi aussi j'allais montrer ce film à mes étudiants. Je pense que je ne pourrais pas le faire pour cette raison-là. Voilà, non mais c'était l'élément de réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était, même si le film ne pose pas en lui-même de nombreux problèmes. Au contraire, il y a juste des regards différents. C'est un film formidable, c'est un très beau film qui pose problème par son réalisateur. Nous sommes en 2019 et pour le moment, dans le cours de l'histoire, nous allons regarder une autre histoire qui va nous conduire beaucoup plus loin grâce à Anaïs Quien. C'est l'heure du journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, une série, un mythe et de grands inconnus, les druides. To find that I was by the sea, gazing with tranquility. Britannia, la deuxième saison de la série de Jess Butterworth, est disponible sur les plateformes américaines et britanniques. On avait découvert Aulus Plautius, Kera, Divis ou encore la reine Antadia en 2018. Dans cette intrigue située au 1er siècle de notre ère, alors que l'Empire romain s'abattait sur l'île de Bretagne pour y imposer sa domination, non sans mal, du côté des soldats un peu inquiets du sort que leur réservait cette terre très étrangère. La Britannia est une terre maudite, régie par les morts. Les forêts sont infestées de démons, l'armée du diable. Ils se nourrissent de chair humaine. La mer rouille de serpents, de pieuvres géantes. Voilà qui semble bien effrayant, n'est-ce pas, Lucius? Ah, l'horreur absolue. On a tous entendu ces histoires. De quoi vous donner des cauchemars? Les habitants de la Britannia sont vus comme des barbares, très barbares, aux croyances inquiétantes, accompagnés de rumeurs sanglantes, défenseurs d'un territoire que Rome n'a jamais réussi à conquérir entièrement par les armes. Une figure riche en fantasmes a particulièrement séduit les scénaristes de la série, les druides. Figure scarifiée et hallucinée dans la série, férue d'orgies et de sacrifices sanglants, au pouvoir de contraintes sans limite sur le peuple qu'ils sont censés guider. Un portrait très éloigné de notre druide national de fiction, le Panoramix d'Astérix, cousin gaulois des insulaires, représenté comme un sage New Age, à la fois médecin de campagne, maître des potions et écolo avant l'heure. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Les druides de Britannia n'ont pas la générosité d'âme de Panoramix, ils défendent jalousement leur pouvoir en infligeant l'exil à leurs contradicteurs. C'est la douloureuse expérience de Vidis, coupable d'avoir annoncé leur perte à venir. La figure des druides a nourri de nombreux mythes, à commencer par la légende noire choisie par les créateurs de la série, qui les présente sans nuance comme les oppresseurs d'un peuple auquel ils ont confisqué le savoir, à commencer par l'écriture. Mais ça n'est qu'une lecture parmi bien d'autres qui ont gouverné les usages de leur histoire. Les druides ont nourri l'imaginaire nationaliste et racialiste, repris aussi bien par les discours des origines des États démocratiques que par les tenants d'une civilisation supérieure. de nos ancêtres les Gaulois à la quête nazie désespérée de toutes les traces de supériorité d'une race celte introuvable, l'historien Jean-Louis Bruno a publié une somme sur les druides pour remettre un peu d'histoire dans tout ça. La première fois qu'on parle des druides, c'est dans les histoires de la philosophie grecque qui ont été écrites au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'en Grèce, dans la Grèce continentale, à Athènes, on connaissait déjà les druides, 3 siècles avant César. Donc ce qui montre bien qu'ils avaient une réputation extraordinaire, et les Grecs les considéraient comme des philosophes. C'est leur maîtrise des sciences et leur intérêt pour la philosophie morale qui amènent les druides à prendre part à l'exercice du pouvoir politique et qui leur aurait permis de s'emparer de la sphère religieuse également, sans pour autant devenir des prêtres. Ils sont les intermédiaires incontournables de la relation aux divinités, mais ils sont également maîtres en diplomatie, juges et éducateurs, et dominent la scène politique gauloise de notre côté de la Manche. Car si les témoignages de l'existence des druides en Gaule sont nombreux et souvent admiratifs face à cette sagesse barbare, il ne nous reste pas grand-chose pour l'affirmer sur le territoire de l'actuel Royaume-Uni. Des druides gaulois, c'est certain, des druides celtes en Grande-Bretagne, rien ne le prouve. Les historiens et amateurs de civilisations perdues se sont bien fait la guerre sur ce point. Peut-on se contenter de témoignages d'ennemis exogènes, grecs, romains, voisins, ou tenter d'y déceler les traces d'une civilisation celte dans toute l'Europe occidentale qui partageait ses pratiques jusqu'aux druides? L'histoire et l'archéologie n'en ont pas trouvé la preuve. Pas encore. Mais la fiction n'est pas exactitude. La série Britannia n'est pas un documentaire historique, c'est une fable politique sur les dangers pour tous les gouvernants de confisquer le savoir à leur seul profit. Une fragilité aggravée par l'arrivée des Romains, avec leurs panthéons, leurs images et leur polygraphie effrénée, qui contribue à mettre en crise la société imaginaire de Britannia, dont la deuxième saison annonce l'heure du choix. Partout à Tis, nous allons relire Jean-Louis Bruno, Les Druides, des philosophes chez les barbares, c'est aux éditions du Seuil, et toutes les informations, les liens utiles pour assouvir votre curiosité celtique sont à retrouver sur la page du journal celtique ou autre, ou gauloise, sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. Merci Anaïs Quien. Anaïs Quien nous parlait de la série Britannia et du travail d'historien. C'est vrai que c'est ce qui est notre vie d'historien ou simplement de spectateur sans cesse. Cette confrontation pour l'affaire Dreyfus, nous sommes sur quelque chose de brûlant. Dites-nous Marie-Neige Coche, on sent qu'il y a de la polémique. Quand vous essayez de transmettre cette affaire Dreyfus aux plus jeunes, il y a un intérêt qui arrive à sortir de la polémique? Oui, alors moi j'aborde l'affaire Dreyfus, vous l'avez compris, à travers la correspondance d'Alfred et de Lucie, et pour la transmettre, en fait, j'utilise le moyen des lectures théâtrales. Hein. On travaille avec des comédiens, et d'ailleurs notamment, mais c'est un pur hasard, Vincent Deboire qui joue Gribelin dans le film de Polanski, hein, qui est tout à fait excellent, à la section de statistiques. Donc, pour j'aborde l'affaire Dreyfus à travers l'intimité de ces personnages, et ça marche. Et ça marche, donc oui. C'est possible de parler d'histoire aux plus jeunes et de transmettre. Oui. Une histoire sérieuse. Merci beaucoup. Le cours de l'histoire continue dès demain en s'intéressant toujours au cinéma et notamment au décor. Le décor de cinéma, souvent relégué au statut de toile de fond, a une importance capitale dans les films historiques. C'est ce qui va nous intéresser dès demain.